Chapitre 2e. Le public. Planter ce talent dans une terre anglaise. L'opinion littéraire du pays dirigera sa croissance et expliquera ses fruits, car cette opinion publique est son opinion privée. Il ne la subit pas comme une contrainte extérieure, il la sent en lui comme une persuasion intime. Elle ne le gêne pas, elle le développe, et ne fait que lui répéter tout haut ce qu'il se dit tout bas. Voici les conseils de ce goût public, d'autant plus puissant qu'il s'accordait avec l'inclination naturelle de Dickens et le poussait dans son propre sens. Soyez moral. Il faut que tous vos romans puissent être lus par des jeunes filles. Nous sommes des esprits pratiques et nous ne voulons pas que la littérature corrompe la vie pratique. Nous avons la religion de la famille et nous ne voulons pas que la littérature peigne les passions qui attaquent la vie de famille. Nous sommes protestants et nous avons gardé quelque chose de la sévérité de nos pères contre la joie et les passions. Entre celles-ci, l'amour est la plus mauvaise. Gardez-vous à cet endroit de ressembler à la plus célèbre de nos voisines. L'amour est le héros de tous les romans de George Sand. Marié ou non marié, peu importe. Elle le trouve beau, sain, sublime par lui-même, et elle le dit. Ne le croyez pas, et si vous le croyez, ne le dites point. Cela est d'un mauvais exemple. L'amour ainsi présenté se subordonne le mariage. Il y aboutit, il le brise, il se passe de lui, selon les circonstances, mais quoi qu'il fasse, il le traite en inférieur. Il ne lui reconnaît de sainteté que celle qu'il lui donne, et le juge impie s'il s'en trouve exclu. Le roman ainsi conçu est une plaidoirie en faveur du cœur, de l'imagination, de l'enthousiasme et de la nature. Mais il est souvent une plaidoirie contre la société et contre la loi. Nous ne souffrons pas qu'on touche de près ou de loin à la société ni à la loi. Présenter un sentiment comme divin, incliner devant lui toutes les institutions, le promener à travers une suite d'actions généreuses, chanter avec une sorte d'inspiration héroïque les combats qu'il livre et les assauts qu'il soutient, l'enrichir de toutes les forces de l'éloquence, le couronner de toutes les fleurs de la poésie, c'est peindre la vie qu'il enfante comme plus belle et plus haute que les autres, c'est l'asseoir bien au-dessus de toutes les passions et de tous les devoirs, dans une région sublime, sur un trône, d'où il brille comme une lumière, comme une consolation, comme une espérance, et attire à lui tous les cœurs. Peut-être ce monde est-il celui des artistes, il n'est point celui des hommes ordinaires. Peut-être est-il conforme à la nature, nous faisons fléchir la nature devant l'intérêt de la société. George Sand peint des femmes passionnées, peignez-nous d'honnêtes femmes. George Sand donne envie d'être amoureux, donnez-nous envie de nous marier. Cela a des inconvénients, il est vrai. L'art peut-être en souffre, si le public y gagne. Si vos personnages sont de meilleurs exemples, vos ouvrages sont de moindre prix. Il n'importe. Vous vous résignerez en songeant que vous êtes moral. Vos amoureux seront fades, car le seul intérêt qu'offre leur âge, c'est la violence de la passion. Et vous ne pouvez peindre la passion. Dans Nicholas Nickleby, vous montrerez deux honnêtes gens, semblables à tous les jeunes gens, épousant deux honnêtes jeunes filles, semblables à toutes les jeunes filles. Dans Martin Schuslevitt, vous montrerez encore deux honnêtes jeunes gens, parfaitement semblables aux deux premiers, épousant aussi deux honnêtes jeunes filles, parfaitement semblables aux deux premières. Dans Dombey and Son, il n'y aura qu'un honnête jeune homme et une honnête jeune fille. Du reste, nulle différence, et ainsi de suite. Le nombre de vos mariages est étonnant, et vous en faites assez pour peupler l'Angleterre. Ce qui est plus curieux encore, c'est qu'ils sont tous désintéressés, et que le jeune homme et la jeune fille font fi de l'argent avec la même sincérité qu'à l'opéra comique. Vous insisterez infiniment sur le joli embarras des fiancés, sur les larmes des mères, sur les larmes de toute l'assistance, sur les scènes réjouissantes et touchantes du dîner. Vous ferez une foule de tableaux de famille, tous attendrissants et presque aussi agréables que des peintures de paravent. Le lecteur sera ému. Il pensera voir les amours innocents et les gentillesses vertueuses d'un petit garçon et d'une petite fille de 10 ans. Il aura envie de leur dire « Bon petits amis, continuez à être bien sages ». Mais le principal intérêt sera pour les jeunes filles, qui apprendront de quelle manière empressée et pourtant convenable un prétendu doit faire sa cour. Si vous hasardez une séduction comme dans Copperfield, vous ne raconterez pas le progrès, l'ardeur, les enivrements de l'amour, vous n'en peindrez que les misères, le désespoir et les remords. si dans Copperfield et dans le grillon du foyer, vous montrez un mariage troublé et une femme soupçonnée, vous vous hâterez de rendre la paix au mariage et à l'innocence à la femme, et vous ferez par sa bouche un éloge du mariage si magnifique qu'il pourrait servir de modèle à M. Émile Augier. Si dans Hard Times, l'épouse va jusqu'au bord de la faute, elle s'arrêtera sur le bord de la faute. Si dans Dombey and Son, elle fuit la maison conjugale, elle restera pure. Elle ne commettra que l'apparence de la faute, et elle traitera son amant de telle sorte qu'on souhaitera être le mari. Si enfin, dans Copperfield, vous racontez les troubles et les folies de l'amour, vous raillerez ce pauvre amour, vous peindrez ses petitesses, vous semblerez demander excuse au lecteur. Jamais vous n'oserez faire entendre le souffle ardent, généreux, indiscipliné de la passion toute-puissante. Vous ferez d'elle un jouet d'enfant honnête ou un joli bijou de mariage. Mais le mariage vous donnera des compensations. Votre génie d'observateur et votre goût pour les détails s'exerceront sur les scènes de la vie domestique. Vous excellerez à peindre un coin du feu, une causerie de famille, des enfants sur les genoux de leur mère, un mari qui le soir veille à la lampe près de sa femme endormie, le cœur rempli de joie et de courage parce qu'il sent qu'il travaille pour les siens. Vous trouverez de charmants ou sérieux portraits de femmes, celui de Dora, qui reste petite fille dans le mariage, dans les mutineries, les gentillesses, les enfantillages, les rires, égaie le ménage comme un gazouillement d'oiseaux. Celui d'Agnès, si calme, si patiente, si sensée, si pure, si digne de respect, véritable modèle de l'épouse, capable à elle seule de mériter au mariage le respect que nous demandons pour lui. Et lorsqu'enfin il faudra montrer la beauté de ses devoirs, la grandeur de cette amitié conjugale, la profondeur du sentiment qu'ont creusé 10 années de confiance, de soins et de dévouement réciproques, vous trouverez dans votre sensibilité, si longtemps contenue, des discours aussi pathétiques que les plus fortes paroles de l'amour. Les pires romans ne sont pas ceux qui le glorifient. Il faut habiter l'autre côté du détroit pour oser ce que nos voisins ont osé. Chez nous, quelques-uns admirent Balzac, mais personne ne voudrait le tolérer. Quelques-uns prétendront qu'il n'est pas immoral, mais tout le monde reconnaîtra qu'il fait toujours et partout abstraction de la morale. George Sand n'a célébré qu'une passion. Balzac les a célébrées toutes. Il les a considérées comme des forces, et jugeant que la force est belle, il les a soutenues de leur cause, entourées de leurs circonstances, développées dans leurs effets, poussées à l'extrême, et agrandies jusqu'à en faire des monstres sublimes, plus systématiques et plus vrais que la vérité. Nous n'admettons pas qu'un homme se réduise à n'être qu'un artiste. Nous ne voulons pas qu'il se sépare de sa conscience et perde de vue la pratique. Nous ne consentirons jamais à voir que tel est le trait dominant de notre Shakespeare. Nous ne reconnaîtrons pas que, comme le romancier français, il mène ses héros au crime et à la monomanie, que comme lui, il habite le pays de la pure logique et de la pure imagination. Nous sommes bien changés depuis le XVIe siècle, et nous condamnons ce que nous approuvions autrefois. Nous ne voulons pas que le lecteur s'intéresse à un avare, à un ambitieux, à un débauché. Et il s'intéresse à lui lorsque l'écrivain, sans louer ni blâmer, s'attache à expliquer le tempérament, l'éducation, la forme du crâne et les habitudes d'esprit qui ont creusé en lui cette inclination primitive, à faire toucher la nécessité de ses conséquences, à la conduire à travers toutes ses périodes, à montrer la puissance plus grande que l'âge et le contentement lui communiquent, à exposer la chute irrésistible qui la précipite dans la folie ou dans la mort. Le lecteur, saisi par cette logique, admire l'œuvre qu'elle a faite et oublie de s'indigner contre le personnage qu'elle a créé. Il dit « le bel avare ». Il ne songe plus aux mots que l'avarice a produits. Il devient philosophe et artiste et ne se souvient plus qu'il est honnête homme. Souvenez-vous toujours que vous l'êtes et renoncez aux beautés qui peuvent fleurir sur ce sol corrompu. Entre celles-ci, la première est la grandeur. Il faut s'intéresser aux passions pour comprendre toute leur étendue, pour compter tous leurs ressorts, pour décrire tous leurs cours. Ce sont des maladies. Si on se contente de les maudire, on ne les connaîtra pas. Si l'on est physiologiste, si l'on ne se prend pas d'amour pour elles, si on ne fait pas d'elles ses héros, si on ne tressaille pas de plaisir à la vue d'un beau trait d'avarice comme à la vue d'un symptôme précieux, on ne peut dérouler leur vaste système et étaler leur fatale grandeur. Vous n'aurez point ce mérite immoral. D'ailleurs, il ne convient point à votre genre d'esprit. Votre extrême sensibilité et votre ironie toujours prête ont besoin de s'exercer. Vous n'avez pas assez de calme pour pénétrer jusqu'au fond d'un caractère. Vous aimez mieux vous attendrir sur lui ou le railler. Vous le prenez à partie, vous vous faites son adversaire ou son ami, vous le rendez odieux ou touchant, vous ne le peignez pas, vous êtes trop passionné et vous n'êtes pas assez curieux. D'autre part, la ténacité de votre imagination, la violence et la fixité avec laquelle vous enfoncez votre pensée dans le détail que vous voulez saisir, limitent votre connaissance, vous arrêtent sur un trait unique, vous empêchent de visiter toutes les parties d'une âme et d'en sonder la profondeur. Vous avez l'imagination trop vive et vous ne l'avez pas assez vaste. Voici donc les caractères que vous allez tracer. Vous saisirez un personnage dans une attitude, vous ne verrez de lui que celle-là, et vous la lui imposerez depuis le commencement jusqu'au bout. Son visage aura toujours la même expression, et cette expression sera presque toujours une grimace. Ils auront une sorte de tic qui ne les quittera plus. Miss Mercy rira à chaque parole. Mark Tapley prononcera à chaque scène son mot, gaillardement. Mrs. Gamp parlera incessamment de Madame Harris. Le docteur Chillip ne fera pas une seule action qui ne soit timide. M. Micawber prononcera pendant 3 volumes le même genre de phrases emphatiques et passera 500 ou 600 fois avec une brusquerie comique de la joie à la douleur. Chacun de vos personnages sera un vice, une vertu, un ridicule incarné, et la passion que vous lui prêterez sera si fréquente, si invariable, si absorbante, qu'il ne ressemblera plus à un homme vivant, mais à une abstraction habillée en homme. Les Français ont un Tartuffe, comme votre M. Pecksniff, mais l'hypocrisie qu'il affiche n'a pas détruit le reste de son être. S'il prête à la comédie par son vice, il appartient à l'humanité par sa nature. Il a, outre sa grimace, un caractère et un tempérament. Il est gros, fort, rouge, brutal, sensuel. La vigueur de son sang le rend audacieux. Son audace le rend calme. Son audace, son calme, sa promptitude de décision, son mépris des hommes font de lui un grand politique. Quand il a occupé le public pendant 5 actes, il offre encore aux psychologues et aux médecins plus d'une chose à étudier. Votre Pecksniff n'offrira rien aux médecins ni aux psychologues. Il ne servira qu'à instruire et amuser le public. Il sera une satire vivante de l'hypocrisie et rien de plus. Si vous lui donnez le goût de l'eau-de-vie, ce sera gratuitement. Dans le tempérament que vous lui prêtez, rien ne l'exige. Il est si enfoncé dans la tartufferie, dans la douceur, dans le beau style, dans les phrases littéraires, dans la moralité tendre, que le reste de sa nature a disparu. C'est un masque et ce n'est plus un homme. Mais ce masque est si grotesque et si énergique qu'il sera utile au public et diminuera le nombre des hypocrites. C'est notre but et c'est le vôtre, et le recueil de vos caractères aura plutôt les effets d'un livre de satire que ceux d'une galerie de portraits. Par la même raison, ces satires, quoique réunies, resteront effectivement détachées et ne formeront point de véritable ensemble. Vous avez commencé par des essais, et vos grands romans ne sont que des essais cousus les uns au bout des autres. Le seul moyen de composer un tout naturel et solide, c'est de faire l'histoire d'une passion ou d'un caractère, de les prendre à leur naissance, de les voir grandir, s'altérer et se détruire, de comprendre la nécessité intérieure de leur développement. Vous ne suivez pas ce développement. Vous maintenez toujours votre personnage dans la même attitude. Il est avare ou hypocrite, ou bon jusqu'au bout, et toujours de la même façon. Il n'a donc pas d'histoire. Vous ne pouvez que changer les circonstances où il se trouve. Vous ne le changez pas lui-même. Il reste immobile, et à tous les chocs qui le frappent, il rend le même son. La diversité des événements que vous inventez n'est donc qu'une fantasmagorie amusante. Ils n'ont pas de lien, ils ne forment pas un système, ils ne sont qu'un monceau. Vous n'écrivez que des vies, des aventures, des mémoires, des esquisses, des collections de scènes, et vous ne saurez pas composer une action. Mais si le goût littéraire de votre nation, joint à la direction naturelle de votre génie, vous impose des intentions morales, vous interdit la grande peinture des caractères, vous défend la composition des ensembles, il offre à votre observation, à votre sensibilité et à votre satire une suite de figures originales qui n'appartiennent qu'à l'Angleterre, qui, dessinées par votre main, formeront une gloire unique et qui, avec l'image de votre génie, offriront celle de votre pays et de votre temps.